L'aveu par Paul Bourget. Chapitre 1er. Je vais demain à la Capte féliciter mes cousins Gronsac pour le mariage de leur fille, m'avait dit le commandant Montis, un de mes très proches voisins, sur cette côte de Provence où j'habite 5 mois d'hiver. Venez-vous avec moi? Si ce déluge ne recommence pas, entendons-nous? J'avais accepté d'autant plus volontiers que je devais moi aussi cette visite au Gronsac, et de la colline où nous avons nos maisons, M. de Montis et moi, jusqu'à la Capte. C'est un vrai voyage. 15 kilomètres sur des routes du midi, abîmes de boue quand il a plu, abîmes de poussière quand il fait soleil et mistral. On préfère affronter ces misères à deux. C'était la boue que nous devions subir, après les cataractes déplorées par M. de Montis. Elles avaient cessé ce lendemain, quand nous partîmes, mais en laissant dans la plaine un ravinement d'inondation. Aussi à peine avions-nous quitté la colline que la ponette corse qui traîne d'ordinaire si lestement le panier de roues, seul équipage du vieil officier retraité, commença d'enfoncer avec désespoir ses jolies pattes minces dans les paquets de fange. Elle allait tout de même, Vérité, la bien nommée, la vaillante petite coureuse alsane. Ce que voyant, son propriétaire me répéta pour la 100e fois cet aphorisme d'hypologie prononcé avec le sérieux comique des amateurs de chevaux. Ai-je raison de vous affirmer que tous les alsans sont chauds? En a-t-elle un cœur? Puis il ajouta, comme toujours, « Elle n'a qu'un 1m40, très juste, mais voyez son rein. Est-ce large? Est-ce doublé? Elle me porterait ainsi. » Et il me montrait, posé sur le tapis de la voiture, à côté de son pied gauche, le pilon qui lui sert de pied droit. Montis a perdu la jambe à Bussembal, dans la funeste et inutile sortie du 19 janvier, sinistre épilogue d'incapacité à la plus incapable des défenses. Cette terrible blessure lui a valu la croix et le 4e galon. Mais sa mutilation l'a forcé de quitter le service. À la suite de sa mise en réforme, il a trompé la tristesse de sa carrière brisée en courant le monde, avec une manie de mouvement qui fait un contraste ironique à son infirmité. Où n'a-t-il pas promené cette jambe de bois qui lui interdit d'essayer les forces de la ponette Vérité? L'Orient, les Indes, le Japon, les deux Amériques. Il a regardé tous les paysages des deux hémisphères, de ses yeux si bleus sous l'embroussaillement de ses épais sourcils, resté roux à 56 ans, comme son visage, tanné par l'air, reste maigre. L'énergie est partout empreinte sur cette physionomie qui s'accorde bien au nom. La famille Montis a émigré de Toscane en Provence au 15e siècle, à la suite d'une des innombrables convulsions civiques qui jetèrent sur les routes tant de nobles florentins. Le commandant a beau être devenu par le cœur un vrai Français de cette France pour laquelle il a versé son sang, physiologiquement, il demeure un de ces Italiens roux que l'on voit dans les fresques de Masaccio et de Ghirlandaio. Il garde aussi de ces Toscans de la grande époque un je ne sais quoi d'inapprivoisable, une sauvagerie, dissimulée sous la plus courtoise politesse. Il est de cette espèce d'homme qui n'est jamais complètement civilisé, ni en bien, ni en mal. Mais avant l'anecdote qui sert de matière à ce récit, il fallait être un maniaque d'atavisme, tel que moi, pour deviner, pour imaginer peut-être, cette hérédité un peu farouche dont le vieux garçon estropié, qui a demi ruiné par les prodigalités de ses voyages, était rentré au pays natal. Il avait acheté une bicoque au soleil, dans un vaste jardin, pour achever d'y mourir, entre des fleurs, quelques ruches d'abeilles, des livres et sa ponette d'alsane, laquelle continuait, dans l'excursion que je raconte, d'arracher la légère voiture aux engluements de la boue, tandis que son maître me renseignait sur un tout petit point de linguistique, avec cette minutie d'archéologie locale, autre manie de temps de retraité. Il me disait « Vous êtes-vous demandé ce que signifie le nom de ce domaine de mes cousins, la Capte ?» Avec le temps, on est arrivé à écrire ainsi « la » et « Capte ». En réalité, on devrait écrire « la Capte » en un seul mot et avec une apostrophe. « A Capte », c'est l'acceptum des latins, le participe d'accipere, recevoir ou prendre. Il y a un hameau près de hier qui porte ce nom mais avec la vieille orthographe. Elle rappelle le droit d'acapte, c'est-à-dire d'épave, qui appartenait au marquis des Îles d'Or, à cet endroit-là, comme il appartenait au Montis, là où nous allons. Je le regardais, tandis qu'il m'énonçait cette amusante et peut-être fantaisiste étymologie. Je crus voir une ombre passer dans ses yeux clairs, et je me demandais si la légende qui courait sur lui aurait par hasard raison. Je le savais quasi brouillé avec les châtelains actuels de la dite capte ou acapte. J'avais même attribué à la gêne de relations fausses son désir de m'emmener avec lui dans cette visite obligée. C'étaient des parents trop proches pour que le mariage de leur fille ne lui imposât pas une démarche. J'avais aussi entendu conter que cette demi-brouille avait précisément pour motif ce domaine dont il m'expliquait les privilèges anciens. Sa cousine, Madame de Gronsac, en avait hérité à son dame d'un oncle commun, lequel avait trouvé fort mauvais, comme d'ailleurs tous les compatriotes du commandant, son parti pris, si longtemps prolongé, de ne pas vivre au pays. Petite ou grande, parisienne ou provinciale, les sociétés n'aiment jamais qu'un de leurs membres se passe d'elles trop aisément. Aussi avait-on fort approuvé, dans la petite ville dont les Montis sont originaires, et dans les mâts, bastides et villas environnantes, que le vieil oncle eût rayé le nom de son neveu sur son testament. Puis, comme les hypothèses vulgaires semblent toujours les plus vraisemblables à l'opinion, elles sont à la hauteur morale des majorités, l'isolement un peu excentrique où le commandant s'enfermait vis-à-vis des siens et de toute la contrée était attribué de même à un mécontentement d'héritier frustré. Certes, la modeste habitation du blessé de Buzenval, achetée d'un négociant marseillais et qui s'appelait bourgeoisement et prosaïquement Matocade, n'avait rien de commun avec le seigneurial manoir que nous allions voir bientôt dessiner ses toits couverts de tuiles brunes au centre d'une admirable vallée dans un des contreforts des montagnes des morts en face de l'île de Porquerolles. Un manoir. C'est baptisé bien solennellement cette exquise maison de plaisance, la plus caractéristique de cette côte. En voulez-vous un croquis? Pour y arriver, imaginez un porche du XVIIIe siècle surmonté d'une balustrade, puis une longue allée de hauts palmiers faisant haie. Un parc d'orangers, de citronniers mûrit ses fruits d'or au gai soleil. Des roses fleurissent en plein janvier et des mimosas. Un rideau de séculaires cyprès protège le château du côté du nord. À l'horizon, la mer bleuit dans une crique hérissée de rochers rouges et partout apparaissent les signes d'une culture merveilleuse. Ici, des vignes dont les ceps sont gros comme des troncs d'arbres. Là, un bois de chêne-liège avec leur cœur nu et noir dans leurs manchons d'écorce grise, entaillés de l'année précédente. Ailleurs, c'est le frisson argenté d'un massif d'oliviers. Et sur la façade longue du château, toute mangée de soleil, d'étroites fenêtres abattent leurs volets bruns. Cette rareté des ouvertures raconte les longs séjours d'été comme la pente douce des toits raconte la saison des pluies. Ils sont aménagés ainsi pour recevoir l'eau qui s'amasse dans l'ancienne citerne. Une tourelle au centre révèle, à qui connaît les ingéniosités des architectes de la contrée, que ce puits de réserve a été creusé dans le roc au milieu même du bâtiment. Que le propriétaire de Matocade eût préféré, avec sa haute mine, succéder à ses aïeux dans la suzeraineté de ce paradis terrestre rafraîchi par la brise de mer, plutôt qu'au mercanti de la canebière dans son mesquin vide-bouteille, la chose était trop légitime. Mais qu'il eût la petitesse d'en vouloir à des gens de son sang, pour un héritage, même celui-là, cela non. À vrai dire, avant cette visite, l'idée ne m'était jamais venue de chercher une raison à son éloignement des siens. Je l'avais attribué au désir si naturel, quand on a vécu largement et librement, d'échapper aux étroitesses forcées de la province. Pour la première fois, à l'expression soudaine de ses prunelles, tandis qu'il me parlait de la capte, je crus m'apercevoir que l'image de l'endroit vers lequel nous nous dirigeons, au trou infatigablement égal de la vaillante Ponette, s'associait dans le cousin des Gronsac à des impressions plus singulières et plus profondes que ce désir d'indépendance ne les supposait. Après tout, songeais-je, connaît-on jamais tout un caractère? Que sais-je de Montis? Qu'il est parfaitement gracieux pour moi, qu'il a voyagé et profité de ses voyages, qu'il est un ingénieux obtenteur de roses, comme ils disent ici, et qu'il soigne bien ses abeilles. On peut être fort mauvais parent avec ses qualités. Et puis, n'a-t-il pas quelque preuve de lui seul connu que les Gronsac ont capté son oncle avec de vilains procédés? D'ailleurs, ce ne sont pas mes affaires. Je me tenais ce petit discours intérieur en continuant d'échanger avec mon compagnon des propos d'un ordre tout autre. Je l'interrogeais sur les accidents de la route qui, tour à tour, longe la mer, entre les terres, serpente parmi les rochers, traverse un bois de mimosa, des champs de violettes, des bouquets de chênes. Quoiqu'il me répondît avec sa complaisance habituelle, je remarquai que ses phrases se faisaient de plus en plus brèves, à mesure que nous approchions du terme de notre promenade. Volontairement ou non, il laissait tomber la causerie. Mais la simple appréhension de se retrouver en face de personnes peu sympathiques n'expliquait-elle pas cet embarras? Surtout, c'est la règle des dissentiments de famille, s'il s'était donné des torts, même ayant raison. Pourquoi commençais-je à soupçonner malgré moi qu'il y avait autre chose? Quoi? J'ignorais tout de la jeunesse de Montis. Des Gronsac, je ne savais rien, sinon que le mari était un gros gentillâtre de campagne, cordial et commun. Madame de Gronsac, une femme assez malingre, affreusement fanée à 50 ans, et qu'elle passait pour jouir, d'après la cocasse métaphore populaire, d'une très mauvaise santé. Leur fils aîné, que je connaissais, qui aidait son père dans l'exploitation du domaine, avait 30 ans. Leur fille cadette, celle dont les fiançailles provoquaient notre visite, en avait 20. Ces deux enfants, les seuls que les Gronsac eussent gardés, étaient nés pendant que Montis voyageait. Donc aucune hypothèse de paternité clandestine ne pouvait s'esquisser dans ma fantaisie. Je me répétais que ce n'était pas mes affaires, et voyant que le commandant ne me répondait que distraitement, je finis par me taire en combattant de mon mieux ma curiosité éveillée, malgré moi, par cette sage maxime. Un nouveau venu dans un pays doit s'efforcer de ne pas se faire raconter les histoires des gens. C'est la seule manière de ne jamais s'en mêler. Les jets de boue que les sabots de vérité faisaient gicler du sol et dont j'avais beaucoup de mal à me préserver sous la couverture ne mettaient-ils pas un symbole du danger qu'il y a à s'aventurer dans les fondrières? Celles de la vie sont pires que celles des routes.